Voilà pour l'extrait de Sheryl Crow. Allez, on continue. 1969, naissance de Jennifer Aniston, actrice américaine, connue bien évidemment pour avoir incarné Rachel Green dans la série télé Friends, vue également dans la série Cougar Town, et au cinéma dans Bruce Tout-Puissant, Polly et moi, Marley et moi, ou encore Comment tuer son boss 1 et 2 dans le rôle du docteur Julia Harris. 1971, naissance de Damian Lewis, acteur britannique, vu récemment au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood, où il a incarné Steve McQueen, vu à la série, dans la série Life, dans le rôle du lieutenant Charlie Cruz, et la série Homeland, les saisons 1 à 3, dans le rôle de Nicholas Brody. 1972, naissance de Kelly Slater, surfeur américain qui détient 11 titres de champion du monde et plus de 50 victoires sur le circuit d'élite, ce qui constitue un record. 1974, naissance de Julien Arnaud, journaliste animateur télé français. 1976, naissance d'Alexandra Nelden, actrice allemande, connue pour avoir incarné Lisa Plenske dans la série télé Le Destin de Lisa. Elle a également joué dans Le Destin de Bruno, hein, toujours avec son rôle de Lisa, dans 16 épisodes. 1977, naissance de Mike Shinoda, musicien américain du groupe Linkin Park. 1979, naissance de Brandy, chanteuse actrice américaine, vue dans Souviens-toi l'été dernier 2 ou encore la série télé Drop Dead Diva. Et on la connaît pour son titre The Boy Is Mine en duo avec la chanteuse Monica. Tout de suite, petit extrait. Voilà pour l'extrait de Brandy et Monica. 1980, naissance de Sonia Roland, Miss France 2000, devenue actrice, vue dans le film Minuit à Paris ou encore la série télé Léa Parker, où elle incarnait Léa Parker. C'est également l'année de naissance de Kelly Rowland, chanteuse américaine qui a notamment travaillé avec David Guetta sur le titre When Love Takes Over, dont on écoute tout de suite un extrait. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Voilà pour l'extrait de Kelly Rowland. On continue les anniversaires. 1982, naissance de Natalie Dormer, actrice britannique, vue dans Captain America First Avenger, Hunger Games, La Révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de Cressida, la série télé Les Tudors dans le rôle d'Anne Boleyn, Game of Thrones dans le rôle de Marguerite Tyrell, Elementary dans le rôle d'Irene Adler alias Jamie Moriarty. 1988, naissance de Jazz Recall, actrice et danseuse américaine connue pour avoir incarné Claire Kyle dans la saison 1 de la série Ma Famille d'abord, vue également dans The Office, Jericho ou encore Bones. 1992, naissance de Taylor Lautner, acteur américain connu pour son rôle de Jacob Black dans la saga Twilight, vue également dans Valentine's Day, Identité secrète ou encore Copain pour toujours 2. Allez, tout de suite, on s'écoute les Linkin Park avec le titre Leave Out All the Rest. Thank you. dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. Les Linkin Park sur le 107 FM, un peu plus de 8h48 et on parle météo. La météo. Eh bien encore aujourd'hui il y a du vent et d'ailleurs ce vent va rester encore quelques jours parmi nous. On n'en a encore pas totalement terminé avec cette tempête, même si les vents sont quand même moins forts que les jours précédents. Sinon en plus du vent, eh bien on aura des nuages et quelques averses de pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 7 degrés pour cet après-midi. Mercredi pluie et vent, jeudi ce sera également la même chose. Mercredi des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 5 et 7 degrés prévus pour demain après-midi, et jeudi des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Rotterdam a noté l'élimination hier d'Adrian Manarino en 3-7 face à Carreño Busta. Au programme d'aujourd'hui, Barrer affrontera Bublik et Benoît Paire sera opposé à Bedene. Au tournoi de Buenos Aires aujourd'hui, Corentin Moutet affrontera Kovalik. À Saint-Pétersbourg aujourd'hui, Mladenovic affrontera Vanjutvank et Océane Dodin sera opposé à Kuzmova. Et au tournoi de Wahin, il n'y a plus de Française après l'élimination de Paquet en 3-7 face à Plipuek. En basket, en NBA, cette nuit, Détroit affrontait Charlotte. L'équipe de Détroit de Doumbouya s'est inclinée face à l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum, hein, 76 à 87. 4 points et 4 rebonds pour Doumbouya. Notez que Nicolas Batum n'a pas joué, il est malade. L'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée face aux Lakers de Los Angeles, 125 à 100. 2 rebonds pour le Français. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 22 points s'est imposée, 135 à 126 face à l'équipe d'Atlanta.

Whitney Houston sur RGM, il est 9h01, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 10h30. Vous devriez retrouver l'émission Plus belle la vie avec la masse du Toli. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. 16h, la rediffusion de la Big Antenne. 18h30, Kaizen. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'aimais, je vous le lis. 23h, 20 Flight Rock. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.